Gérard de Nerval, Poésie 1830-1835. Enregistré en livre audio en 2019 par Stefano Francobora pour le public mâle et non-voyant et le public universitaire pour le libre partage des cultures du monde. Les papillons, de toutes les belles choses qui nous manquent en hiver, qu'aimez-vous mieux? Moi, les roses. Moi, l'aspect d'un beau pré, moi, la moisson blondissante, chevelure des sillons, moi, le rossignol qui chante, et moi, les beaux papillons. Le papillon, fleur sans tige, qui voltige, que l'on cueille en un réseau, dans la nature infinie, harmonie entre la fleur et l'oiseau. Ah, quand vient l'été superbe, je m'en vais au bois tout seul, je m'étends dans la grande herbe, comme un mort dans son linceul. Sur ma tête renversée, là, chacun d'eux à son tour, passe comme une pensée de poésie ou d'amour. Voici le papillon faune, noir et jaune. Voici le mars azuré qui porte des étincelles sur ses ailes d'un velours riche et moiré. Voici le vulcain rapide qui vole comme un oiseau. Sa robe noire et splendide porte un grand ruban en ponceau. Dieu le souffrait dans l'espace comme un éclair à reluit, mais le joyeux nacré passe et je ne vois plus que lui. Comme un éventail de soie, il déploie son manteau semé d'argent et sa robe bigarrée est dorée d'un or verdâtre et changeant. Voici le macaron zèbre de fauve et de noir rayé. Le deuil en habit funèbre, et le miroir bleu strié. Voici l'argus feuille morte, le morio, le grand bleu, et le pan du jour qui porte sur chaque aile un œil de feu. Mais le soir bruni nos plaines, les phalènes prennent leur essor bruyant, et les sphinx aux couleurs sombres, dans les ombres voltigent en tournoyant. C'est le grand pan à l'œil rose, dessiné sur un poil gris, qui ne vole qu'à nuit close, comme les chauves-souris, le bombis du troène rayé de rouge et de vert, et le papillon du chêne qui ne meurt point en hiver. Voici le sphinx à la tête de squelette, peint en blanc sur un fond noir, que le villageois redoute sur sa route de voir voltiger le soir. Je hais aussi les phalènes, ces lourds hôtes de la nuit, qui voltige dans nos plaines de 7 heures à minuit. Mais vous, papillons que j'aime, légers papillons du jour, tout en vous est un emblème de poésie et d'amour. Le peuple, son nom, ô vous qui célébrez tous les pouvoirs, ainsi que le canon des Invalides, et qui pendant la lutte aussi n'êtes jamais plus homicide. Les temps sont accomplis, le sort s'est déclaré. Des Francs sous les Gaulois, l'orgueil enfin s'abaisse. Le coq du peuple a dévoré les fleurs de lys de la noblesse. À présent, paraissez, à la tête des rangs, cherchez quelques héros à proclamer très grands. Mais entre tous les noms que le siècle répète, un seul reste à chanter. Cherchez, encore un nom, plus noble qu'Orléans, plus beau que Lafayette et plus grand que Napoléon. Sa gloire, le peuple, trop longtemps on a vu dans l'histoire, pour l'œuvre des sujets que les rois admiraient, les arts dédaignaient une gloire qui n'avait point d'habit doré. À la cour seule étaient l'éclat et le courage, et le bon goût et le vrai beau. Les habits déchirés du peuple et son langage faisaient rougir la muse et souillaient le pinceau. Combien ce préjugé s'efface! Nous avons vu le peuple et la cour face à face, elle ameutant en vain ses rouges bataillons, lui sous leur feu cruel marchant aux Tuileries, elle tremblante et vile avec ses broderies, lui sublime avec ses haillons. Sa force, c'est que le peuple aussi, malheur à qui l'éveille, lorsque paisible il dort sous la foi des serments, il laisse bourdonner longtemps la tyrannie à son oreille. Il semble Gulliver environné de nains, voyez par des fils innombrables des milliers de petites mains fixer ses membres redoutables. Ils y montent enfin, triomphent, le voilà, bien lié que faut-il pour briser tout cela, qu'il se lève, déjà de ses mains désarmées, il lutte avec l'effort où gît la trahison, et son pied en passant couche à bas les armées, comme l'écrin d'une toison. Sa vertu. Je crois le voir encore, le peuple aux Tuileries, alors que sous ses pas, tout le palais trembla. Que de richesses étaient là, étincelantes pierreries, trône, manteau royal sur la terre jeté, collier, habit, cordon oublié dans la fuite, enfin tout ce qu'avait la famille proscrite, de grandeur et de majesté. Eh bien, de ces trésors, rien, pour lui qui le tente, de les fouler aux pieds sa fureur se contente. Et dans ce grand château d'où les valets ont fui, partout, sans rien détruire, il regarde, il pénètre, montrant qu'il est le roi, montrant qu'il est le maître, et que tout cela, c'est à lui. Son repos. Non, rien de ces trésors qu'il voit avec surprise ne le tente. Il confie à des princes nouveaux la couronne qu'il a reprise, et puis retourne à ses travaux. Maintenant, courtisans de tout prince qui règne, accourez, battez-vous, traînez-vous à genoux pour ces oripeaux qu'il dédaigne et qui ne sont faits que pour vous. Mais lorsque des grandeurs vous atteindrez le fait, n'ayez point trop d'orgueil d'être assis sur sa tête. Et craignez de peser sur lui trop lourdement, car tranquille au plus bas de l'immense édifice, pour que tout au-dessus penche et se démolisse, il ne lui faut qu'un mouvement. À Victor Hugo, les doctrinaires. 1. Oh, le 28 juillet, quand les couleurs chéries joyeuses voltigeaient sur les toits endormis, après que dans le Louvre et dans les Tuileries, on eut traqué les ennemis. Le plus fort était fait que cette nuit fut belle, près du retranchement par nos mains élevées, combien nous étions fiers de faire sentinelle en foulant le sol dépavé. Oh, nuit d'indépendance et de gloire et de fête, rien au-dessus de nous, pas un gouvernement n'osait encore montrer la tête. Comme on se sentait fort dans un pareil moment, que de gloire, que d'espérance, on était d'une taille immense et l'on respirait largement. 2. Ce n'est point la licence, hélas, que je demande, mais si quelqu'un alors nous eût dit que bientôt, cette liberté-là, qui naissait toute grande, on la remettrait au maillot, que des ministres rétrogrades, habitants de palais encore mal lavés, du pur sang de nos camarades, ne verraient dans les barricades qu'un dérangement de pavés. Ils n'étaient donc point là, ces hommes qui, peut-être, apôtres en secret d'un pouvoir détesté, ont en vain renié leur maître depuis que le coq a chanté. Ils n'ont point vu sous la mitraille marcher les rangs vengeurs d'un peuple désarmé. Au feu de l'ardente bataille, leur œil ne s'est point allumé. 3. Quoi ? L'étranger, riant de tant de gloire vaine, de tant d'espoir anéanti, quand nous lui parlerons de la grande semaine, dirait « Vous en avez menti ». Le tout à cause d'eux, au point où nous en sommes, du despotisme encore, oh non, à bas les petits hommes, nous avons vu Napoléon. Petit, tu l'as bien dit, Victor, lorsque du Corse, ta voix leur évoquait le spectre redouté, montrant qu'il n'est donné qu'aux hommes de sa force de violer la liberté. C'est le dernier, on peut prédire que jamais nul pouvoir humain ne saura remuer ce globe de l'Empire qui l'emprisonnait dans sa main. 4. Et quand tout sera fait, que la France indignée aura bien secoué les toiles d'araignée, que des fous veulent tendre encore, ne nous le chante plus, Victor, lui que nous aimons tant, hélas, malgré ses crimes, qui sont, par une vaine et froide majesté, d'avoir répudié deux épouses sublimes, Joséphine et la Liberté. Mais chante-nous un hymne universel immense, qui par France, Belgique et Castille commence, hymne national pour toute nation, que seule à celui-là la liberté t'inspire, que chaque révolution tende une corde de ta lyre. 16 octobre 1830. En avant, marche! En avant, marche, ami, c'est notre cri d'attaque. De départ, de conquête, il a retenti loin, aux plaines blanches du Cosaque, aux plaines jaunes du Bédouin. Les peuples, nos voisins, l'ont dans l'oreille encore, car sous le drapeau tricolore, il les guida contre le Tsar. Lorsque leur légion à nos succès fidèles, de l'aigle immense était les ailes, le jour d'Austerlitz et plus tard. La grande armée enfin se remet en campagne. Accourez, nation, sous sa triple couleur, que la liberté joue et gagne. La revanche de l'empereur, en avant, en marche, est-il une cause plus belle? La Pologne encore nous appelle, il faut écraser ces tyrans. Une neige perfide en vain ceint leurs frontières. Prenons le chemin que nos frères ont pavé de leurs ossements. En avant, marche la Belgique, toi notre sœur de liberté. Viens pour cette guerre héroïque, la première à notre côté. Et si tu sais dans quelle plaine, un jour 10 rois ivres de haine ont voulu pousser au tombeau la France, lâchement frappée, aiguise en passant ton épée au monument de Waterloo. En avant, marche l'Italie, les sépulcres de tes héros, alors que la liberté crie, ont de magnifiques échos. Longtemps tu leur fermas l'oreille, mais puisqu'enfin tu te réveilles, viens ton opprobre est effacé, ce jour au vieux jour se rattache, et les vivants ne font plus tâche au sol glorieux du passé. En avant marche l'Allemagne, hurrah les braves écoliers par la cendre de Charlemagne. Voulez-vous être les derniers? Les âmes sont-elles glacées au pays des nobles pensées et de la foi des anciens temps? Non, notre feu s'y communique et le vieux chêne teutonique reverdit avant le printemps. Sommes-nous là, tous? Déjà brille pour nous accompagner toujours le beau soleil de la Bastille et d'Austerlitz et des 3 jours. Marchons, la voici reformée, après 15 ans, la grande armée, mais à des succès différents, quoique la liberté nous mène, pour l'ombre du grand capitaine, laissons un vide dans les rangs. Ah, la route est belle et chère à notre gloire, toutes les plaines là sont des pages d'histoire, mais combien de Français y sont ensevelis. Oh, pourtant nous aurons l'âme joyeuse et fière quand nos pieds triomphants fouleront la poussière d'Iéna, de Friedland, d'Essling ou d'Austerlitz. Puis, avant d'arriver jusqu'à l'Empire russe, nous pousserons du pied et l'Autriche et la Prusse, tuant leurs aigles noirs qui semblent des corbeaux, et nous rirons à voir ces vieilles monarchies, honteuses, choir parmi leurs estrades pourries, leurs tréteaux vermoulus et leurs pourpres en lambeaux. Et l'apercevez-vous, mes amis, qui, sans cesse sur la pointe des pieds, haletante se dresse, la Pologne, pour voir si nous n'arrivons pas, enfin notre arc-en-ciel à l'horizon se montre. Ah, le voyage est long, frère, quand on rencontre un trône à renverser sous chacun de ses pas. Nous voici. Dans nos rangs, vous savez votre place. Braves de Pologne, accourez. Maintenant attaquons dans ces remparts de glace le géant et marchons serrés, car il faut en finir avec le despotisme. Ceci, c'est une guerre, et non de ces guerres d'enfants où brillait l'héroïsme de Louis-Antoine de Bourbon. Mais une guerre à mort, et des batailles larges avec des canons par milliers, où viendront se heurter en effroyables charges des millions de cavaliers. Guerre du chaud au froid, du jour à l'ombre, guerre où le ciel dira ses secrets, et telle qu'à coup sûr les peuples de la terre n'en oseront plus faire après. Là, 15 ans de vengeance entassés et funestes éclateront comme un obus et coucheront à bas plus d'hommes que la peste ou que le choléra morbus. Là, le sang lavera des affronts sanguinaires et sur nos batailles éparses, nous croirons voir toujours les ombres de nos frères flotter comme des étendards. 2. Que dis-je ? Hélas, hélas, tout cela c'est un rêve à jamais effacé. L'autocrate est vainqueur, le niveau de son glaive sur notre Pologne a passé. C'est en vain qu'à la voir tomber faible et trahie, la honte nous montait au cœur. En vain que nous tendions de toute sa longueur la chaîne infâme qui nous lie. Mais c'est fini. L'éclat dont notre ciel brillait s'évanouit. Le temps se couvre. La gloire de la France est enterrée au Louvre avec les martyrs de juillet. Une vieille hideuse à nos yeux l'a tuée. Vieille à l'œil faux, aux pas tordus, la politique enfin cette prostituée de tous les trônes absolus. Oh, que de partisans s'empressent autour d'elle, jeunes et vieux, petits et grands, inamovibles courent à tous les rois fidèles, fouillis de 10 gouvernements, avocats, professeurs à la parole douce, mannequins usés aux genoux, tous la volent et rampent et fourmillent et se poussent, tout cela pue autour de nous. C'est pourquoi nous pleurons nos rêves poétiques, notre avenir découronné, nos cris de liberté, nos chants patriotiques, leur contact a tout profané. Notre coq, dont ils ont coupé les grandes ailes, dépéri, vulgaire et honteux, et nos couleurs déjà nous paraissent moins belles depuis qu'elles traînent sur eux. Or, vers de grands combats, de nobles entreprises, quand pourront les vents l'emporter ? Ce drapeau conquérant qui s'ennuie à flotter sur des palais et des églises. Liberté, l'air des camps aurait bientôt retint ta robe qui fut rouge et bleue. Liberté de juillet, femme au buste divin et dont le corps finit en queue. Profession de foi. J'aimerais mieux, je crois, manger de la morue, du curry à l'indienne ou de la viande crue. Et le tout chez Martin, place du Châtelet, d'où je sors. J'aimerais mieux même s'il fallait travailler à 100 sous la colonne au Corsaire, ou bien au Figaro comme un clerc de notaire, ou bien dans la revue, à raison de 100 francs, la feuille in octavo, petit romain sur grand papier, ou dans la mode, ou le Globe, ou l'Artiste, pour rien. Que de m'entendre appeler philippiste, républicain, carliste, henriquiste, chrétien, païen, mahométan ou saint-simonien, blanc ou noir, tricolore ou gris ou vert ou rose, enfin quoi que ce soit qui croit à quelque chose. C'est qu'il faut être aussi bête à manger du pain, rentier, homme du jour et non du lendemain, garde national, souscripteur ou poète, ou tout autre animal à deux pieds et sans tête, pour ne pas réfléchir qu'il n'en est au monde rien qui vaille seulement les quatre fers d'un chien. Que la société n'est qu'un marais fétide, dont le fond, sans nul doute, est seul pur et limpide. Mais où ce qui se voit de plus sale, de plus vénéneux et puant, va toujours par-dessus. Et c'est une pitié, c'est un vrai fouillis d'herbes, jaunes, de roseaux secs épanouis en gerbes, troncs pourris, champignons fendus et verdissants, arbustes épineux croisés dans tous les sens, fanges vertes, mousseuses et grouillantes d'insectes, de crapauds et de vers qui de rides infectent. La sillonne le tout parsemé d'animaux, noyés et dont le ventre apparaît noir et gros. Que sais-je encore ? Il vient de ces moments de crise où le marais se gonfle et s'agite et se brise. Le fond vient par-dessus, clair et battant les bords, pour creuser une issue et s'épandre au dehors. Il se fait étang, lac, torrent, puis tout se calme et redevient marais. La fin en général me paraît toujours la même, et la nature aussi des choses montre bien qu'il en doit être ainsi. Cette perception m'est seulement venue depuis 7 à 8 mois que j'ai vu, toute nue, l'allure des parties, et sur cet autre point, des croyances que j'ai connues qu'il n'en est point, de bonnes ni n'en fut, ce qui m'a la logique des saint-simoniens démontrée sans réplique, et j'y comprends la leur. Donc, comme j'ai fort bien dit plus haut, maintenant je ne crois plus à rien, hormis peut-être à moi. C'est bien triste, et sans doute en venir à ce point est chose qui me coûte. J'ai fait ce que j'ai pu, pour qu'errant au hasard, mon âme autour de moi s'attacha quelque part. Mais comme la colombe, hors de l'arche envoyée, elle m'est revenue, à chaque fois mouillée. Traînant l'aile, sentant ses forces s'épuiser et n'ayant pu trouver au monde où se poser. Cour de prison. Dans Sainte-Pélagie d'une aile rélargie où rêveur et plaintif je vis captif. Pas une herbe ne pousse et pas un brin de mousse, le long des murs grillés et bien taillés. Oiseau qui fend l'espace et toi, brise qui passe sur l'étroit horizon de la prison. Dans votre vol superbe, apportez-moi quelque herbe, quelque gramant mouvant, sa tête au vent, qu'à mes pieds tourbillonne une feuille d'automne, peinte de son couleur, comme les fleurs. Pour que mon âme triste sache encore qu'il existe une nature, un dieu, dehors ce lieu. Oui, faites-moi la joie qu'un instant je revois quelque chose de vert avant l'hiver. Odelette, 1832. La malade. Oh, quel doux chant m'éveille, près de ton lit je veille. Ma fille n'entend rien, rendors-toi ces chimères. J'entends dehors ma mère, un cœur aérien. Ta fièvre va renaître, ces chants de ma fenêtre semblent s'être approchés. Dors, pauvre enfant malade, va, point de sérénade, les amants sont couchés. Les amants, que m'importe, un nuage m'emporte. Adieu le monde, adieu. Maman, ces sons étranges, c'est le concert des anges qui m'appelle à Dieu. Le soleil et la gloire. Quiconque a regardé le soleil fixement croit voir devant ses yeux danser obstinément, partout, à terre, au ciel, une tache livide. Ainsi, bien jeune encore et plus audacieux, je vis briller la gloire et j'y fixais les yeux. Hélas, c'en était trop pour mon regard avide. Depuis, m'importunant comme un oiseau de deuil, partout sur quelque objet que j'arrête mon œil, je la vois se poser aussi la tache noire. Quoi ? Partout entre moi sans cesse est le bonheur. Oh, c'est que l'aigle seul, malheur à nos malheurs, contemple impunément le soleil et la gloire. Nobles et valets, ces nobles d'autrefois dont parlent les romans, ces preux à front de bœuf, à figure dantesque, dont les corps charpentés d'ossements gigantesques semblaient avoir au sol racines et fondements. S'ils revenaient au monde et qu'il leur prit l'idée de voir les héritiers de leur nom immortel, race de Laridon encombrant les autels, des ministres rampant avides et dégradés, êtres grêles, à busque, plastron et faux mollets, certes ils comprendraient alors ces nobles hommes que depuis les vieux temps, au sang des gentilshommes, leurs filles ont mêlé bien du sang de valets. Le réveil en voiture. Voici ce que je vis. Les arbres sur ma route fuyaient mêlés ainsi qu'une armée en déroute. Et sous moi, comme ému par les vents soulevés, le sol roulait des flots de glèbes et de pavés. Des clochers conduisaient parmi les plaines vertes, leurs hameaux aux maisons de plâtre recouvertes, en tuiles qui trottaient ainsi que des troupeaux de moutons blancs marqués en rouge sur le dos. Et les monts enivrés chancelaient, la rivière, comme un serpent boa sur la vallée entière, étendue s'élançait pour les entortiller. J'étais en poste, moi, venant de m'éveiller. Le relais. En voyage, on s'arrête, on descend de voiture, puis entre deux maisons, on passe à l'aventure. Des chevaux, de la route et des fouets étourdis, l'œil fatigué de voir et le corps engourdi. Et voici tout à coup, silencieuse et verte, une vallée humide et de lilas couverte, un ruisseau qui murmure entre les peupliers, et la route et le bruit sont bien vite oubliés. On se couche dans l'herbe et l'on s'écoute vivre. De l'odeur du foin vert à loisir on s'enivre, et sans penser à rien, on regarde les cieux. Hélas, une voix crie « En voiture, messieurs !» Une allée du Luxembourg. Elle a passé, la jeune fille, vive et preste comme un oiseau, à la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui, venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard l'éclaircirait, Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu, doux rayon qui m'a lui. Parfum, jeune fille, harmonie. Le bonheur passait, il a fui. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame est bien vieille, on la verra peut-être enterrer cependant Paris qu'elle a vu naître. Mais dans quelques mille ans, le temps fera broncher comme un loup fait un bœuf cette carcasse lourde, tordra ses nerfs de fer et puis d'une dent sourde rongera lentement ses vieux os de rocher. Bien des hommes de tous les pays de la terre viendront pour contempler cette ruine austère. Rêveurs et relisant le livre de Victor, alors ils croiront voir la vieille basilique, tout ainsi qu'elle était puissante et magnifique, se lever devant eux comme l'ombre d'un mort. Odelette, 1835. Fantaisie. Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Webre, un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Or chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans mon âme rajeunit, c'est sous Louis XIII, et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit. Puis un château de briques à coin de pierre, aux vitraux peints de rougeâtres couleurs, ceint de grands parcs avec une rivière, baignant ses pieds qui coulent entre des fleurs. Puis une dame, à sa haute fenêtre, blonde, aux yeux noirs, en son costume ancien, que dans une autre existence peut-être, j'ai déjà vue et dont je me souviens. Dans les bois, au printemps, l'oiseau naît et chante. N'avez-vous pas ouï sa voix? Elle est pure, simple et touchante, la voix de l'oiseau dans les bois. L'été, l'oiseau cherche l'oiselle. Il aime et n'aime qu'une fois. Qu'il est doux, paisible et fidèle, le nid de l'oiseau dans les bois. Puis quand vient l'automne brumeuse, il se tait avant les temps froids. Hélas, qu'elle doit être heureuse, la mort de l'oiseau dans les bois. Le 25 mars. Déjà les beaux jours, la poussière, un ciel d'azur et de lumière, les murs enflammés, les longs soirs, et rien de vert. À part encore un reflet rougeâtre, décore les grands arbres aux rameaux noirs. Ce beau temps me pèse et m'ennuie. Ce n'est qu'après des jours de pluie que doit surgir en un tableau le printemps verdissant et rose, comme une nymphe fraîche éclose qui, souriante, sort de l'eau. La grand-mère. Voici 3 ans qu'est morte ma grand-mère. La bonne femme, et quand on l'enterra, parents, amis, tout le monde pleura. D'une douleur bien vraie et bien amère. Pour moi, j'errais dans la maison, surpris, plus que chagrin, et comme j'étais proche de son cercueil, quelqu'un me fit reproche de voir cela sans larmes et sans cris. Douleur bruyante et bien vite passée, depuis 3 ans, d'autres affections, des biens, des maux, des révolutions ont dans les cœurs sa mémoire effacée. Mais moi, j'y songe et la pleure souvent. Chez moi, toujours par le temps prenant force, ainsi qu'un nom taillé dans une écorce, son souvenir se creuse plus avant. Odelette retrouvée, le coucher du soleil. Quand le soleil du soir parcourt les Tuileries et jette l'incendie aux vitres du château, je suis la grande allée et ses 2 pièces d'eau, tout plongé dans mes rêveries. Et de là, mes amis, c'est un coup d'œil fort beau de voir, lorsqu'à l'entour la nuit répand son voile, le coucher du soleil, riche et mouvant tableau, encadré dans l'arc de l'étoile. Gérard de Nerval, Poésie française, 1830-1835.